chez moi pour retrouver ma belle. Hélas, elle n'est pas si heureuse de me voir, car en partant ce matin, j'ai laissé le foutoir. J'ai droit à tous les noms d'une des plus beaux vignobles. Lave-la encore partie dans une colère folle. T'es comme tous tes amis, un gamin attardé. Bon qu'à partir on rit, aller chez le parquet. Et moi, philosophe, pas méchant pour un sou, je lui demande gentiment, l'embrassant dans le cou. Chérie, serre-moi plutôt un peu de rouge, s'il te plaît, vas-tu bien un peu de bouquin. Chérie, serre-moi plutôt un peu de rouge, s'il te plaît, vas-tu bien un peu de bouquin. Au lieu de s'acquitter de ce geste amical, elle continue sans fin son tendre récital. Alors je m'abandonne à toutes mes rêveries, parfumées de tanin et de mes meilleurs amis. Le vent y est léger et bien plus spirituel que la rubrique couple dans toutes ces femmes actuelles. Je lui exposerai bien ses humbles arguments, mais je n'en ai pas le courage et c'est pas bien le moment. Alors en oubliant ces sales humeurs chroniques, puis à s'entendrement ma fameuse réplique. Chérie, serre-moi plutôt un pet de rouge, s'il te plaît, vas-tu bien un pet de rouquin. Chérie, serre-moi plutôt un pet de rouge, s'il te plaît, vas-tu bien un pet de rouquin. Essayez d'introduire que le sang de la terre ne fera que guérir les hommes si corrompus par leur désir de gloire. Nouveau maître mesquin de ce monde barbare, comme l'ont dit les nôtres, cher à ses ratignés, un pet de rouge c'est d'abord de l'amitié. Je reviens à mon cœur, toujours si énervé. Elle repart chez sa mère pour me foutre la paix. Mais alors désormais, à qui vais-je le dire cette phrase si simple qui m'emplissait de plaisir. Hey, chérie, serre-moi plutôt un pet de rouge, s'il te plaît, vas-tu bien un pet de rouquin. Chérie, serre-moi plutôt un pet de rouge, s'il te plaît, vas-tu bien un pet de rouquin. Serre-moi plutôt un pet de rouge, s'il te plaît, vas-tu bien.